Le général romain Sertorius, du 1er siècle avant notre ère, se mit un certain temps du côté des Lusitaniens, les Portugais actuels. On se souviendra que dans l'Antiquité grecque-romaine, étaient considérés comme barbares, ce qui n'était ni grec ni romain. Sertorius fut homme actif, général distingué, habile à manier et à régir une armée. Dans les conjonctures difficiles, il mentait à ses soldats, s'il y avait utilité à mentir. Il leur lisait des lettres supposées, imaginait des songes, de fausses inspirations, quand ses expéditions lui semblaient propres à agir sur l'esprit des soldats. Voici un trait remarquable de ce général. Un Lusitanien lui avait donné une biche blanche, d'une rare beauté et d'une extrême vivacité. Il sut persuader à tous qu'elle était un don du ciel, qu'inspirée par la déesse Diane, elle s'entretenait avec lui, lui donnait des conseils et lui apprenait ce qu'il avait à faire. Avait-il à commander à ses troupes quelque chose de pénible? Il ne faisait qu'exécuter ce qu'avait dit la biche. Aussitôt, tous s'empressaient de lui obéir comme à un dieu. Un jour, cette biche, effrayée par le tumulte du camp, à la nouvelle d'une attaque des ennemis, prit la fuite et se cacha dans un marais voisin. Après d'inutiles recherches, on la crut morte. Quelques jours après, on vint annoncer à Sertorius qu'elle était retrouvée. Il recommanda le silence à celui qui était venu lui en apporter la nouvelle, avec menace de le punir s'il parlait. Il lui ordonna de lâcher tout à coup la biche le lendemain dans le lieu où il se trouverait avec ses amis. Le lendemain, donc, il réunit ses amis et leur raconta qu'il avait vu pendant son sommeil sa biche, que l'on croyait morte, revenir à lui et l'instruire comme par le passé. Aussitôt, il fit un signe à l'esclave et la biche se précipite dans la chambre, au milieu des cris que l'étonnement fit jeter. Sertorius sut, dans des occasions importantes, tirer un grand parti de cette crédulité des barbares. Il est avéré que de toutes les peuplades qui faisaient cause commune avec lui, pas un homme, malgré de nombreux revers, ne fit défection. Et l'on sait combien ces peuples sont versatiles.